sautent comme des cinglés sur les plages de Chédiac ou de Capelé. Vous l'avez reconnu, c'est le thème d'un chef à la cabane. Bon, c'est Lisa Leblanc, mais c'est aussi le thème d'un chef à la cabane. Je m'appelle Caroline Stephenson et je vais animer la prochaine heure avec, vous devinez probablement qui avec ce thème-là, Martin Picard. Je vous rappelle que vous êtes au Radioton de CKRL et qu'on vous invite à donner généreusement, à venir faire un tour, acheter votre carte de membre, miser sur les lots d'encan. Et d'ailleurs, on y reviendra, mais il y a un très beau lot, le lot numéro 9, je le sais par cœur, parce que c'est le lot d'un chef à la cabane avec une œuvre, une assiette magnifique, gravure de Marc Séguin, œuvre de Marc Séguin. On mange, puis on découvre l'œuvre après avec des vins. Martin Picard, bonjour. Bonjour. Ah, c'est un plaisir, puis tu as ton fan club ici. Ça, c'est la gang de Télé-Québec. Ben oui, non, mais il y en a d'autres qui sont plus gênés de venir, puis qui sont très heureux que tu sois là. Martin, bon, alors, mettons qu'il y en a qui ne te connaissent pas, tu es restaurateur, tu es entrepreneur aussi, et animateur, voilà, chef cuisinier, et tu présentes la dernière saison, la 11e saison de l'émission « Un chef à la cabane » à Télé-Québec. Moi, je suis une fan, je les ai toutes écoutées, j'ai même mis un scoop sur les dernières émissions des visionnements. Qu'est-ce que ça fait, 11 saisons, c'est pas banal, je sais pas, j'ai pas fait de recherche là, dans l'histoire du cinéma, dans l'histoire de la télé, mais c'est beaucoup. Qu'est-ce que ça fait de mettre un point à une belle histoire comme ça? Ben, c'est surtout un très beau cadeau parce que à la base, on savait même pas si on faisait une année. Parce qu'on comprenait pas si le sirop d'érable était pour être généreux au point de nous donner du stock, tu sais, à jaser là, pendant une année de temps. Mais finalement, tu sais, on s'est rendu compte que tu sais, y a plein de choses à dire, puis il y a toujours des projets qui arrivent. Puis, mais tu sais, de Télé-Québec, Attraction, les producteurs ont tellement été bons avec nous autres, c'est pour qu'on puisse se réaliser, parce que tu sais, on s'entend, on n'est pas acteur, on n'est pas animateur, donc tu sais, ils nous ont pris comme on était, puis ils nous ont accompagnés tout le long. Donc c'est vraiment un beau cadeau. Donc moi je suis tellement serein puis reconnaissant, tu sais, d'avoir pu pendant 11 ans de temps là, moi j'étais pas destiné à faire de la TV là seulement là. Ben, fait que tu sais d'en mais... faire 11 ans, c'est quelque chose de... Mais t'avais fait Martin sur la route aussi avant avec Hugues dont le nom m'échappe. Hugues Dufour. Ben ouais, oui. Ouais, c'était le fun ça aussi, t'avais quand même un peu d'expérience derrière la cravate à Food TV aussi. Oui, mais tu sais, moi je suis cuisinier dans l'âme. C'est ça, c'est ce que j'aime faire aujourd'hui. Là, j'ai plus l'énergie pour cuisiner derrière des fourneaux, faire des services, mais j'ai encore ça en moi. Donc ça, c'est vraiment ma réelle passion, mais que cette passion-là me mène à faire de la télévision, wow, tu sais, ben, c'est un plus dans une vie. C'est communicatif, cette passion-là, puis on l'a suivi la saison, puis il y a plein de fans, tu sais, qui, moi, je reste au centre-ville, je peux pas, j'écoutais les conseils de, oh mon Dieu, comment il s'appelait ton biologiste? Stéphane. Stéphane. Gay. Stéphane qui reste ici. Ben vous... C'est vrai. Sur l'île d'Orléans. Moi, j'écoutais ses conseils, ses chroniques. Je peux pas faire de sirop d'érable. J'ai un magnolia dans ma cour. Mais c'est pas grave. J'aimais ça, apprendre à faire ça. J'ai l'impression qu'on est une génération de monde. Fie-toi à ton jugement. Oui. Si t'as un magnolia, tu peux pas faire de sirop d'érable. Il y a des chances. Continue. Non, mais j'aimais ça. Écoutez ça, comme beaucoup de monde, on apprenait des affaires. Puis j'ai l'impression que t'as comme cultivé, je sais pas, t'as éduqué le monde avec ta gang, tes chroniqueurs, tes collaborateurs, à quelque chose, un trésor qu'on a au Québec, c'est-à-dire le sirop d'érable, comment le faire, comment le produire, puis comment le mettre en valeur dans notre table. T'as mais contribué l'idée. À ça. Mais moi, une des choses que je fais bien, en fait, c'est démocratiser. Ouais. En fait, un chef à la cabane, ça a été une courroie de transmission importante, t'sais, pour dire aux gens, regardez, le sirop d'érable, c'est ça. Mais tu sais, derrière un chef à la cabane, tu sais, il faut comprendre qu'il y a des professionnels qui font marcher cette industrie-là à Séricole de façon exceptionnelle. Et c'est jamais il aurait pu avoir l'essor du sirop d'érable dans les dernières années. Jamais un chef à la cabane aurait pu avoir ce succès-là sans les gens qui travaillent dans le milieu de la sériculture. Et c'est ça qui est merveilleux. On dirait qu'il y avait un bon timing, ouais, pour qu'on puisse avoir une écoute réceptive de la part des auditeurs, parce que les gens, ils se sentaient interpellés. Mais ce qui est le plus beau là-dedans, c'est d'apprendre qu'au bout de 11 ans, il y a énormément de personnes qui se sont mis à faire leur sirop d'érable. C'est pas avec des magnolias, mais c'est des érables à sucre. Oui, okay. j'ai même pas essayé, Martin, j'ai même pas essayé. Mais tu sais, des gens avec seulement 3-4 érables dans leur cours, des gens avec une quarantaine d'érables. Mais tu sais, avant, on n'osait pas, on le faisait pas. Mais le mois de mars, là, c'est pas le mois le plus gai de l'année au Québec. Donc, de se réapproprier son territoire pour dire, wow, tu sais, je vais en faire du sirop d'érable. Mais tu sais, on aurait pu penser que plus les gens en font chez eux, moins on vend de sirop d'érable parce qu'on a moins de besoin. Mais c'est pas du tout ça. C'est que ça donne le goût, puis on en cuisine de plus en plus de sirop d'érable. T'sais, mais moi, ça me fascine d'avoir assisté à ce déploiement-là. C'est une chance. Ben oui, c'est ça. On fait nos petites recettes thaï maintenant avec du sirop d'érable. Oui. Au lieu de mettre du sucre, on met du sirop d'érable. À chaque fois que ça prend la petite touche, ben, on met du sirop d'érable. J'ai même des recettes d'Otto Lenghi qui met du sirop d'érable dans sa salade. De qui? Otto Lenghi, un chef anglais. J'aime tes livres. Qui vient de Otto Lenghi? Ben, qui vient d'Israël. OK. J'ai jamais entendu parler. OK, ben, je t'en reparle après l'émission. OK. Alors, c'est un grand chef. Mais t'as l'air à l'aimer beaucoup. Oui, oui. Ah, c'est un gourou de la cuisine. Est-ce que c'est possible que tu sois la seule à le connaître au Québec? Et il vend des livres de recettes pas mal. Après donc, les c'est tiens. Moi qui ai déconnecté. Ça se peut? Ça m'étonne. Je t'en ça. Non. Okay. Hey, mais je suis tellement... T'as raison. Mais c'est moi qui ai déconnecté. Tu travailles tellement à la cabane à sucre. Il y a ça aussi. Puis toi aussi, t'es, en tout cas, d'après ce qu'on a vu dans les premières émissions, t'apprenais toi aussi le métier de sériculteur. C'était beau de vous voir aller. À la fois, t'étais derrière les fours, t'apprenais à entailler, t'apprenais le métier d'assériculteur. Là, c'était quelque chose. Je pense que c'est ça que les gens ont aimé parce que, tu sais, on avait le droit de se tromper. On avait les mains pleines de pouces. Donc, on se trompait et les gens se reconnaissaient. C'était pas intimidant à regarder ça, c'était pas présomptueux. Puis je crois que c'est ça qui a plu beaucoup aux gens qui nous ont regardés. Tu sais, de voir, hey, mais c'était vraiment ça. Là. T'sais, on est parti de rien et puis on a grandi là-dedans. Là. Puis on fait bien. Fait que, tu sais, il y a quelque chose où les gens, ils se sentaient concernés. Ils nous regardaient puis ils se disaient, à quelque part, c'est un peu moi aussi qui réussis. Ouais, il y a quelque chose clair, de beau là-dedans. On aimait ça parce que, on aime encore ça. Il y avait Gabrielle aussi, la pâtière. Que sont-ils devenus? Qu'est-elle devenue? Gabrielle. On l'aimait beaucoup aussi, là. Mais, oui, elle est merveilleuse. Elle est encore merveilleuse. Elle travaille juste à côté de la cabane à sucre. Elle a son entreprise. C'est une cabane sur le roc. Et a fait des produits, elle marche super bien. Elle a développé sa business à son image. Et c'est vraiment une belle histoire. Parce ça aussi. Parce que vous êtes une équipe aussi, hein, derrière les fours. Je le disais, vous êtes une grosse équipe. Et au fil des ans, en cuisine, c'est souvent ça. Les gens, il y a un roulement. Est-ce que c'est difficile? Est-ce que c'est de plus en plus difficile? Est-ce que toi, Martin, de plus en plus difficile. Ouais, de plus en plus difficile. C'est le portrait tout a changé là, pour la relation avec les employés. Tu sais, comment est-ce qu'on doit être? Qu'est-ce qu'il faut pour qu'un employé reste? Tu sais, des pénuries de main-d'œuvre, il y en a partout dans le monde en ce moment. Peu importe que ça soit en cuisine ou... Mais en cuisine, tu sais, c'est encore une des entreprises qui engage le plus d'êtres humains au pied carré. Donc, tu sais, c'est sûr que nous autres, tu sais, ça ressort peut-être plus, mais... Tu sais, la main-d'œuvre, c'est dur pour tout le monde en ce moment. Là, c'est un cycle qu'on doit traverser, puis après, ça, il y aura le soleil, un peu comme en ce moment avec le ciel gris. T'es toujours résilient par rapport à toutes les difficultés. Ça, on a appris ça aussi, parce que la restauration, bon, une érablière aussi, bon, maintenant la cidrerie, tout ça, c'est beaucoup de défis. Puis à travers ça, on voit Martin Picard qui est toujours résilient, qui passe à travers les épreuves. Ça, il coule sur le dos comme l'eau. Non, c'est pas de l'eau qui coule dessus, c'est du papier sablé qui t'arrache la peau au fur et à mesure que t'avances. C'est pas tant évident que ça, là. Tu sais, faut pas croire que de réussir dans la vie, tu sais, tu sors de là indemne, là, tu sais, tu sors de là usé, mais tu le fais parce que t'aimes ça, tu sais. C'est quand même un choix qu'on on fait et qu'on assume. Et c'est ça qui est le fun, parce que tout doit pas être facile pour que ça devienne agréable. Là, cette pensée magique-là, elle n'existe pas dans le vrai monde. Là. Donc, il faut travailler fort. Et c'est souvent beaucoup d'embûches pour un beau moment. T'sais. Mais ça, tu l'assumes parce que tu aimes ce que tu fais. La 11e saison, c'est un peu un retour aux sources. On te voit dans dans le premier épisode à Repentigny avec le retour pas aux sources, mais ouais, un peu en quelque sorte, ben la famille, redécouvrir les liens familiaux. C'est toi qui décides de chaque épisode. Comment t'as articulé la dernière saison? Mais en fait, c'est l'équipe ensemble. Tu sais, on a eu à se rencontrer pour dire qu'est-ce qu'on fait cette année. Et puis l'idée de sortir à l'extérieur, puis d'aller voir ce qui se passait, mais c'était quelque chose qui ressortait. Et on s'est dit, pourquoi pas, à travers ça, aller dans les endroits que moi où j'ai travaillé quand j'étais plus jeune. Qui ont marqué ton parcours, en fait. Qui ont marqué mon parcours. Donc, on a commencé avec l'Assomption, là, où j'ai été au collège Repentigny. Je viens de Repentigny. Donc, le côté familial, comprendre un peu c'est quoi cette dynamique-là. Mes neveux m'accompagnaient. Et puis là, on part en France. Ouais. On a fait 4 émissions en France. Je pense que hier, c'était la 3e de 4. Ensuite, on s'en va en Allemagne. Limoges, oui. Limoges, oui, ça, c'est merveilleux. À rencontrer des gars... tu vois, la restauration, on en parle, c'est difficile, mais ça te permet de rencontrer des personnes extraordinaires que tu n'aurais jamais rencontrées sinon. Marc Séguin, c'est une de ces personnes-là. Ouais, et là, tu sais, on finit par faire un projet. On se dit, waouh, tu sais, on va faire de la vaisselle à Limoges chez Bernardo, qui est une des plus grandes maisons au monde pour ce qui est de la vaisselle. Et avec un artiste qui est de renommée internationale, qui est un ami, puis là, on se dit, tu sais, on fait un projet ensemble. Fait qu'on s'en va là-bas, puis les choses ont fait, tu sais, qu'on a pu y arriver. Mais on est rentré par la grande porte, puis c'est pas évident, parce que, tu sais, Marc, il est pas conventionnel. Fait que quand t'arrives là-bas, c'est très classique. Et puis lui, quand il commence à dire, on va faire le tour de l'assiette, mais le tour de l'assiette, je le veux croche. Mais tu sais, c'est sûr que Frédéric Bernardo, qui est le propriétaire là-bas, il fait comme un... Oui, parce qu'ils ont des traditions, puis c'est des années, centaines d'années d'expertise de porcelaine, là, de cuisson. Puis on voit tout ça, mais on voit comment les liens se tissent. C'est ça qui est le fun, les discussions. Puis t'es allé juste avant, en tout cas, dans l'ordre de tournage, mais auparavant, on te voit en Auvergne, où là, t'as travaillé pour la première fois. C'est là que t'as... Coup de foudre. Coup de foudre, ouais, ça se peut, ça. Tu devais savoir un peu que t'aimais ça. Non. Je voulais être directeur général au Ritz-Carlton. Je ne sais pas pourquoi, j'avais ça en tête. Quand j'étais jeune, en ayant resté 3 ans de temps au Maroc, on restait souvent dans des hôtels, puis il y avait quelque chose que je trouvais confortable là-dedans. J'aimais cette idée-là. Mais j'étais en stage à l'Hôtel Radio. Et dans les 2 dernières semaines, j'ai décidé de faire un stage en cuisine. J'ai demandé au propriétaire qui a accepté. Puis quand j'ai traversé cette porte-là, c'est comme si il y a plein de portes dans ma tête qui s'ouvraient pour m'ouvrir à différentes dimensions et dans lesquelles j'étais bien. Parce que tu as commencé, j'imagine, quand ils t'ont ouvert les portes comme... Peut-être pas plongeur, là, mais... Oui. Non, mais j'ai commencé par le bas, mais je trouvais ça fascinant. C'est l'ambiance cuisine qui te fascinait. Absolument. C'est vrai que c'est un monde, moi, pour avoir déjà travaillé, je suis plus comédienne, mais tu sais, des fois, on joue dans des restaurants pour faire des meurtres et mystères, puis on rentre dans les cuisines, puis là, on se cache un peu, mais c'est un monde fascinant. Ouais. Tout est codé, tout le monde se parle un peu, puis ils travaillent comme des fourmis, mais en même temps, il y a une ambiance, une énergie... Bon, t'embarques ou t'embarques pas, j'imagine, là. Mais tu sais, la restauration, la cuisine, c'est essentiel dans la société parce que les gens qui y travaillent, c'est des gens qui fitent pas dans d'autres cases. Donc, c'est souvent des marginaux qui se retrouvent entre eux puis, tu sais, qui se retrouvent, en fait. Ouais. Et ça, c'est important dans une société d'avoir des métiers comme ça où on est capable d'avancer enfin en se sentant bien, tu sais. Et la cuisine, ça fait partie d'un de ces métiers-là. parce que c'est pas n'importe qui peut faire ça, mais c'est des gens qui sont souvent hyperactifs, qui ont la tête à 10 000 endroits en même temps, puis tu sais, c'est dans l'intensité qu'ils sont capables de se concentrer, puis de focusser, puis de donner le meilleur d'eux-mêmes, et ça donne un résultat. C'est de la production, là, je veux dire, les assiettes sortent, les commandes, c'est ça, c'est une énergie qu'il faut avoir aussi, là. Est-ce que c'est un métier de jeune, je ne sais pas, là, mais... Ah oui, définitivement. Pour ce qui est de faire les services, c'est de la jeunesse. mes narines sont bouchées, pardon. C'était parfait. Bon, c'est du direct, hein, on fait du direct. Mais, en tout cas, c'est vraiment... C'est impressionnant de voir que tu es partie de là, puis je pense que, je sais plus si c'est dans cet épisode-là, tu dis, moi, je partais pour être cuisinier, pas chef. C'est quoi la différence? Un cuisinier, c'est plus fancy, mettons. Une coche de plus chef, là, je veux bien. Mais... Oui, c'est parce que cuisinier, t'es directement en lien avec le produit. Quand t'es chef, il y a vraiment beaucoup d'intermédiaires avant que le produit arrive. Parce que t'as les employés, parce que t'as les fourneaux, parce que t'as les événements, parce que, tu sais, c'est vraiment, tant que cuisinier, tu focuses à ton métier, et c'est là que tu vis tes plus beaux moments dans la vie, même si c'est très difficile. Mais là, t'es chef. Là, je suis chef, mais là, je suis chef aussi d'entreprise. Donc, tu sais, là, ça s'est rendu ailleurs. Et, tu sais, il y a des journées où je trouve que le ciel est gris anti-pépère parce que, tu sais, c'est juste la paperasse des problèmes, ou tu sais, c'est vraiment de ça. Plus t'es gros, plus t'as à gérer des trucs comme ça. Donc, pour que les jeunes, eux, ils soient bien dans ce qui... En tout cas, essayer d'avoir un milieu de travail le plus... extraordinaire pour eux autres, là. Ouais. Dans un des épisodes qu'on verra, mais je me permets, je pense pas que je brûle des punchs, tu rencontres Pierre Gagnère, un des grands chefs étoilés, là. Je pense qu'il y a encore ses 3 étoiles. Oui, absolument. Hein? Et puis, vous parlez du métier, c'est tellement beau. Il a 72 ans, et puis il arrête pas, il continue, il dit, j'ai même pas le temps de me poser des questions, j'avance. Oui. C'est fascinant, ça. Mais lui, c'en est un artiste. Il se tient avec des artistes. Il a vraiment l'âme d'un artiste. Et pourquoi il a décidé de m'accepter dans sa vie, de me faire une place, je le sais pas. Mais c'est certainement le moment le plus inquiétant que j'avais quand j'ai été en France, c'est pour faire les émissions de télévision, à savoir s'il était prêt à être réceptif ou pas, tu sais, parce que, tu sais, Pierre Gagnère aurait pu, au bout de 5 minutes, se lever et dire, regarde, j'ai dit ce que j'avais à dire, merci, bonsoir, tu sais. Au contraire, tu sais, il a été complètement ouvert, et c'était... Généreux de son temps, en tout cas, j'ai l'impression aussi. Oui, oui. Puis c'était deux amis qui se parlaient, donc il a dit des choses que probablement il dit pas normalement. Parce que la conversation était comme ça, et puis autrement, on n'a pas ce genre de conversation-là quand on parle à Pierre Gagnère, et c'est ça qui a été franchement un petit bijou pour moi, là. Ben oui, ben moi j'ai été fascinée par l'homme, par son travail. Elle a passé l'émission? Non, c'est pour ça que je dis, elle va passer la semaine prochaine. Ah, c'est la semaine prochaine. Mais je le dis pour que les gens puissent l'écouter. Ah, mais moi, je pense que c'est important. C'est un des beaux, en tout cas, parmi toutes les belles rencontres que tu fais, parce que c'est ça aussi, hein, t'es chanceux, tu fais des rencontres, c'est un beau métier pour ça. C'est le privilège, parce que c'est sûr que si tu as la chance d'être médecin dans la vie, tu ne deviendras pas cuisinier, là. Donc, c'est certain qu'intellectuellement, tes billes fonctionnent différemment de d'autres personnes, probablement. Donc, tu n'es pas prédestiné à rencontrer des gens, mais avec ce métier-là, ça te le permet. Mais là, je pose une question un peu étrange. Martin Picard, quand il va en France rencontrer des gagnères et ces grands de ce monde... France, là, on est en France, mais t'es connu. T'es connu, Martin. Oui. Tu sais, on dit « nul n'est prophète en son pays », mais t'es quand même très connu au Québec. Mais je veux dire, mondialement, t'es connu, t'es reconnu comme un grand chef. Là, donc, toutes les portes te sont ouvertes. Ben, toutes les portes. Ben, en tout cas, je veux dire... Tu sais, des portes, ça ne s'ouvre pas. Il faut les ouvrir. Je veux pas être maladroit, mais tu sais, il y a rien qui a de l'air... qui est aussi facile, en fait, que ça peut en avoir de l'air. Quand tu passes à l'action, tu te rends compte que chacun a ses intentions à faire passer avant, là, donc... Mais oui, je pense que je suis connu. Je pense qu'Anthony Bourdain a aidé beaucoup. Je pense que les chefs Trois Macarons qu'on a reçus, qu'on a rencontrés, nous aident beaucoup aussi. Donc, tu sais, c'est toujours comme ça. Ben, tes livres de recettes aussi qui ont gagné des prix. Ben puis, oui. C'est pas banal non plus. Est-ce qu'on boucle la boucle là, avec cette saison-là, j'ai l'impression? Mais est-ce qu'il te resterait des choses à dire? Mais sur le sirop d'érable. Il y a une 12e saison. Mais on aurait pu toujours en faire parce que tu sais, je parlais justement à Stéphane Guy, qui était le biologiste pour l'émission, qui est un petit génie. Tu sais, lui, il dit qu'il travaille sur des trucs là, qui doit. Des inventions, là, parce que tu sais, il s'arrête jamais. Moi, je pensais que tu sais, ça s'essoufflait parce qu'il y a des booms, là, tu sais, puis après, tu t'essouffles, tu laisses le temps passer, puis ça repart. Mais tu sais, on dirait que cette industrie-là, tu sais, elle arrête juste pas. Mais moi, je considère que pour ma part, tu sais, ma job est faite. Tu sais, puis s'il y a à avoir d'autres choses après à la télévision, ça sera ailleurs, je sais pas comment, mais tu sais, je pense que c'est vraiment un bon timing, tu sais, que Télé-Québec a eu avec attraction pour dire, tu sais, je pense que c'est fini après 11 ans, là. Bon, parlant de timing, je vois le bon metteur en onde qui dit on arrête ça, on fait une petite pause le temps de vous inciter à aller voir les lots d'encan. D'ailleurs, on va en parler, Martin, parce que c'est un très beau lot d'encan. Et puis, on se retrouve dans une dizaine de minutes. À tout de suite. Vous écoutez le Radioton de CKRL. Partenaire majeur du Radioton de CKRL, l'Hôtel Château-Laurier est un établissement 4 étoiles situé au cœur du Vieux-Québec, à deux pas de la Grande Allée, des Plaines d'Abraham et du fleuve Saint-Laurent. Pour des vacances mémorables et des réunions d'affaires réussies, Hôtel Château-Laurier est heureux d'héberger les artistes du Radioton. Hôtelchâteaulaurier.com. Salut, ici Ariane Roy. Vous écoutez le Radioton de CKRL. Soyez généreux et généreuses. C'est pas la fin du monde. C'est pas la fin du monde. Du 24 juin au 19 août, un vent de découverte se lève sur le Festival international du domaine Forget de Charlevoix. Voyagez grâce à des rendez-vous symphoniques puissants, du jazz à couper le souffle, de la danse contemporaine vibrante et des sculptures monumentales dans l'un des plus beaux sites de la région. Laissez-vous porter par un lieu exceptionnel où les coups de cœur se succèdent. Cet été, vivez l'effervescence de la découverte au Festival international du domaine Forget de Charlevoix. Planifiez votre envol dès maintenant. Du 10 au 13 mai, la troupe de théâtre Les Grands Enfants vous présente Hortense a dit « Je m'en fous », suivi de Tailleur pour dames, de Vaudeville de Georges Feydeau, dans une mise en scène de Sylvain Terron. Les représentations ont lieu à la polyvalente de l'Ancienne Lorette, du mercredi au samedi 20h et le samedi après-midi à 15h. Les billets sont au tarif de 22$ ou 18$ pour étudiants et disponibles sur lesgrandsenfants.com. C'est le moment de miser sur les 100 lots du Radioton 2023 de CKRL. Rendez-vous sur macause.com/CKRL. L'encan CKRL, évidemment, c'est aussi un événement et un fil rouge majeur pour ce Radioton 2023, avec en tout une centaine de lots sur lesquels vous pouvez miser d'ici à demain soir, 20h. Et puisque notre invité est en studio, Louli, on va pouvoir... tout le monde est en pause sauf lui, c'est un peu chiant finalement, mais on va le faire travailler un petit peu. Il faut profiter. C'est ça, exactement. Un lot de vaisselle. Mais on s'entend de bonne vaisselle puisque c'est non, c'est un assiette. C'est un assiette de service ovale qu'on mettrait dans le centre de la table. Oh! Donc, parce que le set de vaisselle, c'est juste une pièce. Je me suis mêlé. Par contre, ça vient aussi avec un coffret de verre à vin rouge, vin blanc, etc. Oui, en cristal d'une finesse extraordinaire. J'ai bu dedans et... Les deux, que ce soit les verres ou que ce soit les assiettes, il y a une intervention de Marc Séguin qui est faite sur chacun. Okay. Puis Marc rêvait de faire des verres personnalisés à édition limitée. Donc, c'est ça qu'on a fait le dernier projet avec la vaisselle de Limoges. Là, c'est la deuxième série. Mm-hmm. C'est ça qu'on a fait. Excellent. C'est un lot qui est valorisé comme, si je ne me trompe pas, autour de $600. Oui, l'assiette ovale vaut $300 et les verres... C'est deux verres de vin blanc, deux verres de vin rouge qui sont évalués à $300 aussi. Ok, fait que extrêmement gros lot sur lequel vous pouvez miser. Côté des chiffres, actuellement dans l'encan, comment ça se passe, Louli, autour de ce lot-là? C'est 250$ actuellement, c'est le lot numéro 9 pour aller miser. Très bien, rendez-vous sur ckrl.qc.ca. Merci beaucoup Martin, tu peux retourner en pause. Merci, merci, merci. Et nous on revient dans une couple de secondes avec d'autres lots d'encan encore à vous détailler pour cet encan 2023 naturellement. Et bien c'est ça, passez une belle après-midi à CKRL 89.1. Le 39e Festival international de musique actuelle de Victoriaville, un rendez-vous pour les arts vivants du 15 au 21 mai 2023. Au programme, concerts, installations sonores dans l'espace public, films expérimentaux et arts visuels. Pour tous les détails sur le 39e FIMAV et pour acheter des billets, visitez le fimav.qc.ca. Audiolite, 50 ans de tradition et d'innovation. Bryston, Cambridge Audio, Denon, Dyn Audio, Focal, Grado. Audiolite, toujours spécialiste en son et image. Moon, Oracle Audio, Paradigme, Rega, Sennheiser. Audiolite.qc.ca. Depuis 30 ans, la boutique Le Pédalier répond autant aux exigences des pros que des amateurs. Les plus grandes marques, Kona, Felt, Marin, aux prix les plus avantageux. Une équipe de spécialistes et des conseils judicieux, c'est l'expérience que vous vivrez en vous rendant à la boutique Le Pédalier. 99 Boulevard Bastien-Wendake, via Robert Bourassa Nord. 418-842-2734. Pédalier.ca. La remorque est remplie. On va faire ce qui paraît impossible. On a une longue route devant et peu de temps pour arriver. Direction est sur la route des vilains. Ici l'oiseau sirois, on est en plein cœur du Radioton de CKRL 89.1. Soutenez votre radio indépendante. Et oui, la soutenir, et ça se passe aussi par l'encan sur lequel vous pouvez miser. Vous pouvez miser sur des lots, naturellement, pas sur la radio, pas encore. Et peut-être qu'un jour, CKRL sera dans l'encan. C'est jamais. Moi, j'aimerais ça, m'acheter une radio. En tout cas, c'est pas la question. Nous allons parler cette fois-ci d'un des partenaires. Il y a 100 lots à gagner en tout dans cet encan à gagner, sur lesquels on va miser. Le Cosmos et le District Saint-Joseph sont aussi deux partenaires fidèles depuis plusieurs années. Et là, qu'est-ce qu'on a dans notre encan en rapport avec ce partenaire, Louli? Un certificat cadeau d'une valeur de 100$. Ah. Ok, très bien, très bien, merci. Effectivement, ce qui vous permet quand même de vous gâter à 1, 2, 3. Voilà, faites ce que vous voulez avec ce 100$, qui pour le moment est encore un rabais de 30%, si j'ai bien compris, c'est-à-dire qu'on peut l'acheter pour 70$. Exactement, c'est le lot 89. Très bien, faites-nous confiance pour lutter contre l'inflation. On change d'univers cette fois-ci, on va du côté des œuvres. Et là, on a une toile cette fois-ci qui nous est proposée, Les Oies en groupe. Alors, c'est vrai que ça va nous être difficile de vous décrire la toile comme ça à la radio. Heureusement, on a inventé Internet. Et vous pouvez aller sur ckrl.qc.ca pour voir ce tableau. Il y a plusieurs œuvres et celle-ci, en l'occurrence, Les Oies en groupe, c'est une œuvre plutôt dans les tons orangés. Plutôt doux, très doux comme toile, qui est valorisée à combien, Louli? 1400$. Ah, quand même. Et puis, actuellement, la dernière mise a été mise à combien? À 625$. Ok, donc là aussi, c'est un bon deal si vous souhaitez découvrir cette œuvre-là et pourquoi pas découvrir l'artiste aussi, André-Philippe Côté. C'est le lot numéro 77. Et puis enfin, on va terminer rapidement en quelques secondes avec le théâtre Périscope qui lui aussi, depuis plusieurs années, est fidèle à l'encan de CKRL et qui propose cette année 6 pièces de la saison 2023-2024. Et ça vient avec les privilèges, donc le breuvage à chaque représentation et le coupe-fil également. Oh, excellent. Et là, c'est d'une valeur de 175$ actuellement à 150. C'est très clair, très concis. ckrl.qc.ca pour en savoir plus et continuer de participer à cet encan. Ce Radioton vous est présenté grâce aux partenaires gouvernementaux suivants. Mathieu Lacombe, ministre de la Culture et des Communications. Jonathan Julien, ministre responsable de la Capitale Nationale. Sozanetti, député de Jean Lesage à l'Assemblée Nationale. Étienne Grandmont, député de Taschereau à l'Assemblée Nationale. Julie Vignola, député fédérale Beauport-Limoilou. Et Jean-Yves Duclos, ministre de la Santé et député fédéral de Québec. Pourquoi faire aujourd'hui ce que tu pourrais faire demain? Pour la saison prochaine, les concerts pop de l'Orchestre symphonique de Québec se donnent des airs de studio californien, des cabarets new-yorkais. Ils seront tapissés de paillettes. Ils auront du beat. Lisa Leblanc sera Chaque Disco. Webster et ses 8 artistes invités célèbrent 40 ans de hip-hop québécois. transportez-vous au cœur des comédies musicales de Broadway. Célébrez le 7e art avec Hollywood 7. Hydro-Québec, partenaire de saison de l'Orchestre symphonique de Québec. Ne manquez plus jamais de café à la maison. Inscrivez-vous dès maintenant au service d'abonnement Mon Café de Café Barista Micro-Torréfacteur pour recevoir chaque mois votre café livré directement à votre porte. En plus d'obtenir automatiquement 15% de rabais sur vos commandes de café. Pour plus d'informations et pour vous abonner, rendez-vous au cafébarista.ca. Écoute-moi, écoute-moi. Ici Paul André et Lou-Adrienne Cassidy. Ça nous fait plaisir d'être porte-parole du Radioton cette année pour le 50e anniversaire de cette extraordinaire, unique, essentielle, fantastique radio qu'est CKRL. La Fabrique culturelle et Télé-Québec sont fiers de soutenir CKRL et ses artisans en vous présentant cette journée du Radioton. Télé-Québec innove et ose constamment en proposant de nouveaux talents, de nouvelles formes audiovisuelles, de nouvelles stratégies de diffusion et une contre-programmation intelligente comme des documentaires et des séries documentaires en heure de grande écoute. Télé-Québec tient à souligner le travail des concepteurs, réalisateurs et animateurs de CKRL, l'alternative radiophonique à Québec. Vous êtes de retour à l'émission Un chef à la cabane avec Martin Picard. On a discuté pendant 20 minutes, puis on a encore un autre beau 20 minutes pour discuter. Alors, écoutez-nous, puis après vous irez miser. Vous viendrez nous voir aussi à CKRL. Là, on est en plein Radioton, édition du 50e anniversaire. Martin, on parlait tout à l'heure de l'importance du sirop d'érable, de l'amitié. On a parlé que c'est un métier de rencontre. On a vu dans un des épisodes, je pense que tu as fait une émission avec Daniel Vézina, Normand Laprise, David McMillan. Vous étiez tous les chefs ensemble, belle amitié. Puis en même temps, je me disais, mais est-ce qu'il y a une compétition entre les chefs? Parce que vous êtes tous un peu compétitifs ou à votre niveau, vous sentez moins la compétition, puis c'est une amitié? Oui. Non, mais je pense qu'il y a de la compétition, puis il faut de la compétition. Je crois que c'est un métier qui est exigeant, puis je pense que même ton pire ennemi, tu y veux pas de mal. Là, tu veux que tout le monde réussisse parce que tu sais le travail qu'il y a derrière ça. Donc, je crois qu'il peut y avoir des... C'est comme tout, il y a des gens avec qui tu t'entends mieux, tu t'entends moins bien, c'est comme ça. Mais règle générale, il y a une super belle solidarité dans le monde de la restauration. Solidarité, ça n'en prenait aussi pour passer à travers la pandémie. Oui, mais... Là, vous avez rebondi, pas à peu près, là, mais... Mais, tu sais, la table ronde qui est qui a émergé de la pandémie, c'est le regroupement de tous les restaurateurs, de tous les restaurants de niche qu'on a au Québec. Ouais. Tout ce qui est région, Montréal, Québec, partout. Donc ça, c'est grâce à la pandémie, en fait, que ça a existé, parce que quand il y a eu la pandémie, il n'y avait personne pour nous représenter vraiment. Et c'est pas pour lancer des flèches, là, mais tu sais, on a compris que c'était plus difficile. Et avec le ministre Fitzgibbon, tu sais, il a ouvert les cordons de... Dénouer les cordons de la bourse. Oui, puis, tu sais, on a parti d'une association qui s'appelle La Table Ronde et puis qui fait super bien. Et grâce à ça, on se rend compte de plus en plus parce qu'on se voyait presque jamais. Et c'est pour ça, tantôt, quand je disais qu'il y avait une belle solidarité, ouais, ben, je pensais justement à ces rencontres-là où il y a une assemblée une fois par année où tout le monde est là, puis... On jase. Une forme de tissu, un filet de sécurité, peut-être, je sais pas. Ben, un filet de sécurité, puis aussi de dire, quand t'es tout seul, puis tu dis que j'existe, ça résonne pas beaucoup. Mais quand t'es plusieurs sur l'ensemble d'un territoire et que tu dis que j'existe, soudainement, on écoute un peu plus. Puis tu sais, on va se le dire, les restaurants au Québec, en général, on a fait du chemin, là. Moi, je me souviens, quand j'étais petite, on est nés la même année, là. Tu sais, en tout cas, moi, je suis née, puis tu sais, quand on faisait de la fondue, c'était très hot. La fondue chinoise, là, c'était gastronomique. Mais c'est encore hot pour bien des gens. Hein, oui, peut-être. Oui, oui. Mais tu sais, la gastronomie au Québec, c'est incroyable. Le chemin qui a été parcouru, justement, à cause des chefs de file comme toi, Normand Laprise, Daniel Vézina, il y en a... Bon. Bref, notre culture, c'est culturel aussi, notre cuisine, là. Elle est devenue notre culture. Mais c'est surtout culturel. Ouais. C'est une fenêtre sur le monde extraordinaire. On s'identifie à ce qu'on mange. On s'en va dans d'autres pays. On nous reconnaît parce qu'on mange aussi. C'est très fort. Puis tabarouette, t'as raison. On mange bien partout au Québec. C'est quand même une avancée, une joie là, de voir là, que... En si peu de temps, là, on a explosé de bons restaurants. Et puis, on n'a peut-être pas les moyens d'avoir des restaurants comme ils peuvent en avoir à Monaco, à New York. Je parle de richesse. Là, ouais, ouais. Mais pour bien manger dans un restaurant, je veux dire... On n'a rien à envier à personne dans le monde. Là, on a notre marque, je pense, aussi. Là, absolument. On a nos goûts, on a notre marque, on a nos produits. Donc, le côté nordique ressort de plus en plus. Oui, on le voit avec Jean-Luc Boulay, le côté boréal. Ben oui. On a plein d'ambassadeurs. Il y a aussi, celui qui a le clan, Marc... Stéphane Moda. Stéphane Moda, qui est extraordinaire. Il y a plein de bonnes personnes, là, tu sais. Est-ce qu'il y a un tourisme gastronomique au Québec? Est-ce qu'il y a des gens qui se disent, « Hey, on va visiter, on va chez vous, au pied de cochon, par hasard? » Ah oui, absolument. Oh, oui. Pour nos restaurants? Non, mais ça, c'est définitif, là. Tu sais, c'est peut-être pas aussi fort que dans d'autres destinations, mais tu sais, il y a des gens qui vont prendre l'avion pour dire je vais aller à Cabane à sucre. Il y a des gens qui vont prendre l'avion, qui vont prendre l'hélicoptère ou qui vont se faire un voyage pour dire tu sais, je vais aller à telle place, tu sais, à Montréal, à Québec ou en région, tu sais, même Colombe-Saint-Pierre, tu sais, qui. Hey, c'est le fin fond du monde, là, Rimouski, ben oui. Tu sais. Mais en même temps, c'est tout proche. Mais tu sais, les gens, ils se déplacent, ils veulent aller voir Colombe, tu sais. Qui ouvrira pas son restaurant cette année, by the way, tu sais, c'est comme... Pourquoi? Tu l'inviteras. Je vais l'inviter. OK. Ça serait la meilleure idée, mais... Mais non, mais je suis un peu... Attends, c'est comme une grosse... moi, je trouve ça horrible, là, mais tu sais, elle prend la bonne décision, probablement, là. Ah, bon. Écoute, mais c'est ça. On voit à quel point c'est fragile, difficile, tout ça. Puis vous en êtes bien sorti de la pandémie. Vous avez été créatif. Oui. Là-dedans, hein, vous avez fait toutes sortes de... Vous avez fait du prêt... Pas du prêt-à-porter, mais du prêt-à-emporter, comme on dit ça. Oui, mais c'est une boutique virtuelle qu'on a mis en ligne et puis on faisait de la production alimentaire. Et on avait même... on a encore même notre réseau où on fait des livraisons partout au Québec, partout dans le Grand Montréal, Montréal. Et puis c'est ça qui a fait qu'on a pu survivre. Mais on était vraiment en instinct de survie. Et on s'en est bien sorti parce qu'on en faisait un petit peu, puis on a été capable de grossir très rapidement. Et ça nous a mené à deux belles années, mais on est sorti de là, essoufflé. Ouais. Tu as vu ma shape, hein? Quand je me mets à courir. Je regarde les photos, ça, c'est assez... Tu vieillis pas ou tu vieillis bien, disons ça comme ça. Ah Martin. Oui, mais ça, c'est de la génétique. Merci. Ah bon, écoute. Mais parce que tu parlais tantôt d'Anthony Bourdain puis la cuisine. Moi, j'étais une fan aussi d'Anthony Bourdain. Parce que ce que j'aimais, c'est qu'il présentait la cuisine, oui, mais la culture puis le monde aussi derrière. Puis il était venu à Montréal, il est venu à Québec. Bon, mais il se promenait à travers le monde. C'était un ambassadeur de la culture et de la cuisine mondiale, parce que c'était cuisine, monde, cuisine, relations, les gens autour d'une table, il mettait des gens autour d'une table, puis ça jasait, ça parlait, puis c'est ça la cuisine, ça m'a fait « Ah, wow! » C'était un rebelle, un intellectuel, un homme de talent, et il avait la force, et en plus je pense qu'il aimait aller sur le plancher des vaches, donc il rencontrait les gens pour de vrai. Et c'est tel qu'on le voyait à la télévision, ben c'est tel qu'il était dans la vraie vie. Et ça, c'est vraiment tout en son honneur, là. Parce qu'à chaque fois que je voyais, je pensais à toi, c'est un amoureux de porc aussi. Oui. Vous deviez avoir certaines affinités de ce côté-là. Oui, mais sérieusement, lui, il fait juste manger dans la vie. Fait que, tu sais, c'est pas celui qui va manger le plus. La première fois qu'il était venu au restaurant, oui, mais tu sais, il y avait aussi pour le show, tout ça, mais c'est juste qu'à un moment donné, on a juste un estomac, là, fait que tu sais, ce que tu peux percevoir à la télévision puis ce qui se passe en vrai, c'est deux choses, mais il y avait le don. Mais c'est ça, en fait, c'est ça pour dire, Martin, que toi aussi, t'as ça autour de ta cabane, autour du pied de cochon, mais là, bon, l'émission était plus autour de la cabane. Tu réunis des gens, tu l'as fait avec des acériculteurs, des biologistes, tu vas prendre un artisan menuisier, tu vas faire ta table, tes chaises, la vaisselle, on l'a dit tout à l'heure avec Marc Séguin. Tu sais, t'es un rassembleur comme ça, t'arrêtes pas, t'es retourné au Maroc chercher des pots engrais parce que t'étais déjà allé, t'étais élevé là. T'as ça, toi aussi. Mais je trouve qu'il y a une chose qui est un gros frein dans la vie, c'est la politique. Donc, tu sais, si t'es bleu, t'es rouge, tu te parleras pas tout ça, tu sais. Un restaurateur, c'est apolitique. Donc, tu sais, nous, on n'en a rien à faire, tu sais, que tu sois un artiste, que tu sois un plombier, que tu sois, tu sais, c'est comme... À la fin, il faut qu'on y arrive, puis que tout le monde se parle, puis que tout le monde y arrive. Donc, c'est peut-être ça, tu sais, on développe cette force-là parce qu'on n'a pas le choix, tu sais. Et nous autres, tu sais, on a un objectif, il faut y arriver, et que, tu sais, tout le monde ensemble, tu sais, même si c'est improbable, les rencontres, ben, tu sais, qu'on s'unisse, tu sais, pour devenir plus fort. Parce que ça allait au-delà de l'assiette. Ça va au-delà de l'assiette, là, quand je dis ça. C'est que c'est la table, la chaise, les producteurs locaux que tu mets à contribution. Si ça arrête jamais, on dirait, dans ton cerveau, d'un épisode à l'autre, tu fais, ah, t'as une nouvelle idée, t'as un nouveau projet. T'es-tu un hyperactif? Ben, certainement. La belle chose pour tous les hyperactifs, c'est qu'en vieillissant, ça se calme. Ah, c'est ça. Et qu'est-ce qui s'en vient là pour Martin Picard? Est-ce que tu sais où est-ce que tu t'en vas là? Oui. On a un gros projet là. Tu sais, on essaie de le faire aboutir. Puis ça, ça serait vraiment quelque chose d'important dans ma vie. Sinon, tu sais, quand ça fait 22 ans là, tu sais, que t'as des business, tu sais, de les voir grandir, de prendre un moment, tu sais, de t'arrêter puis de t'occuper d'eux autres un à un, puis de les chérir, tu sais, il y a un plaisir à ça. Un peu comme un père avec ou une mère avec ses enfants, tu sais, c'est comme t'es vois grandir, puis t'as pas le temps de t'occuper de rien parce que, tu sais, c'est comme t'es pris par ta job, t'es pris par les enfants qui s'en vont partout, mais il y a un moment donné dans leur âge où t'es capable de dire « wow », tu sais. Mais t'es capable de se lâcher prise là, parce que c'est ton bébé, c'est tes bébés, la cabane à sucre, le pied de cochon. Mais là, c'est un lâcher prise là. Il y a un lâcher prise parce que, tu sais, il y a rien qui fausse plus dans la vie quand t'as 50 ans d'essayer de jouer à l'adolescent. Donc, tu sais, quand t'as 50 ans, tu joues à la personne qui a 50 ans en étant le plus possible ce que t'es. Donc, moi, j'ai deux neveux. J'ai deux partners qui sont extraordinaires. Et puis, tu sais, on grandit ensemble, tu sais. Puis, les responsabilités les plus exigeantes, tu sais, ils sont transférés maintenant, tu sais, c'est à eux de faire leur preuve. Donc, moi, je suis rendu ailleurs, mais tu sais, il faut que je m'assure à ce que tout le monde soit... Quand je dis ailleurs, c'est pas condescendant, là, vraiment pas. Mais tu sais, il faut que je joue mon rôle... Mais de la bonne façon. Ta famille, ça, c'est rassurant pour un père de famille, ou en tout cas pour un propriétaire, un entrepreneur, de dire vrai. C'est dans famille, là. C'est vrai, mais il y a la famille en restauration, ça peut être génétique, mais n'importe qui te le dira, quand tu as un restaurant, si tu n'as pas cet esprit de famille-là, tu passeras jamais. Après, tu sais, 2-3 ans, ça va commencer à décliner. C'est une famille en soi, tu sais. Moi, mes partners, ils sont essentiels dans ma vie. Et j'ai pas de lien, tu sais. Par contre, ce qu'on a vécu ensemble, tu sais, depuis le début, ben, tu sais, s'il fallait que quelqu'un s'attaque à eux, ben, c'est un peu comme s'attaquer à mes enfants. Parce que, tu sais, c'est comme on a vécu trop de proximité, tu sais. Donc, c'est essentiel. Ouais. Martin, est-ce que tu te définis plus comme chef, entrepreneur, ou c'est un peu de tout ça? Comme cuisinier. Cuisinier, c'est ça, la bonne bouffe. D'ailleurs, puisqu'on parlait d'Anthony Bourdain, Chef Table, qui est une émission sur Netflix, ça te tenterait pas? Moi, je te vois tellement là-dedans, je me dis, quelle belle émission où on mélange art de la table et gastronomie. Mais peut-être un jour, peut-être que ça sera ça ou un autre, mais j'ai pas ces attentes-là, tu sais. Juste d'avoir été sous les l'œil d'Anthony Bourdin, tu sais, ce qui a pu nous amener de d'autres personnes aussi qui ont su s'arrêter au pied de cochon, tu sais, ça a fait une différence dans nos vies. Tu sais, nous, on est gâtés, tu sais, on est content quand ça l'arrive. Si ça l'arrive pas, tu sais, il y a pas cette attente-là. Tu sais, on n'attend pas pour se mettre au monde, là. Tu sais, c'est comme on continue de vivre puis on continue d'avoir du plaisir. Et quand il y a des belles surprises comme ça qui arrivent, ben on est super reconnaissant. Ah ben c'est bien ce que tu dis. Puis ben c'est ça, donc ça nous fait ça me fait dire que tu n'arrêtes pas, tu continues. On va te voir dans d'autres projets certainement. Qu'est-ce qui fait saliver, Martin? Qu'est-ce qui te fait saliver à part le foie gras peut-être là? Mais... Non, mais le foie gras, j'en mange pas tant que ça là. Tu sais, c'est pas on peut pas vivre de foie gras là, mais un bout, mais pas là. Ouais, c'est ouais, ça. Ça finit en cirrhose habituellement. C'est ça. Mais non, mais moi, ce qui me fait vivre, c'est les saisons. Tu sais, de laisser les goûts apparaître. Moi, j'aime de plus en plus le désir dans la vie. Donc, quand t'arrives à un certain moment, là, comme en ce moment, ben, tu sais, t'as envie du soleil, là. Tu sais, la neige, t'en veux plus. Mais, tu sais, c'est comme les gens, le printemps, ils revivent. Puis, tout ce qu'il n'y avait pas comme désir il y a 3 mois avant réapparaît à chaque printemps. Ben, moi, c'est un peu ça, la restauration. C'est que c'est des aliments qui reviennent, c'est des recettes, que ça soit des plats mijotés, que ça soit un steak, que ça soit un jardin, que ça soit le sirop d'érable ou le verger quand il est transformé, qu'on l'alcoolise, que ça devient un cidre. Tu sais, c'est tout ça qui vient à chaque moment de l'année, tu sais, qui apparaît, que tu fais comme « wow, c'est ça que je veux, là ». Ouais, puis tu mets les produits, là, je sais plus si vous en êtes à la cabane avec l'autoproduction, là, vous aviez vos cochons, vos tomates, vous êtes presque autosuffisant, là, ouais, à la cabane. Ouais, mais là, on a serré Vous en êtes, là, là-dedans, la cidrerie. Cidrerie, puis on fait nos piments parce qu'on a une vodka qui s'appelle Spécial Piment. On fait nous-mêmes nos piments, donc c'est 10 variétés de piments. On a un coach qui est extraordinaire qui nous aide pour ça parce que c'est un monde en soi. Fait des champignons, à un moment donné aussi, oui. Mais là, c'était une autre affaire. Ça aussi, c'est une expertise particulière. C'est ça. Fait que là, on essaye de moins s'éparpiller puis de plus se concentrer sur quelque chose. Là. Faire une chose et bien la faire. Oui. Mais en fait, non, plus qu'une chose, là, mais... Oui, puis à un moment donné, on va se rééparpiller puis on va resserrer, puis c'est comme ça. On est comme un... Ouais. La semaine dernière, je t'en ai parlé hors d'onde avec une éleveuse de chiens dans le coin de Baie-Saint-Paul. Puis elle me demandait, on parlait de ton chien, puis tout ça. Puis elle m'a pas dit, mais comment va Champlain? Ben, oui. Ouais, c'est ça. On l'aimait, Champlain. Ça a été quand même quelques épisodes. Oui, ouais, mais les gens Champlain... ont compris que... Il est décédé, là. Ben oui, il s'est noyé le 31. Il y a eu des crues importantes, puis il a joué sa glace sur un ruisseau ben, qui ressemble quasiment à une rivière, là, mais à un moment donné, ben c'est ça, il y a eu les bords étaient libérés, c'était en eau maintenant, puis il a passé en dessous, puis c'est fini. Tout ça pour dire à quel point on s'attache à cette émission-là, j'allais dire aux personnages, c'est pas des personnages, c'est des vraies personnes, mais les chefs, les cuisiniers, les employés, c'est ta famille, ça devient aussi nos... Pas comme un téléroman, mais tu sais, on suit ça, puis on va s'ennuyer de ça, Marcin. Est-ce que t'es conscient qu'on va s'ennuyer d'une cabane à sucre? Comme... J'étais pas conscient, mais je le vois de plus en plus. Mais l'ennui est essentiel dans la vie, ça veut dire qu'on a aimé. C'est bien. Donc, tu sais, c'est tant mieux, tu sais, si ça existe. Ouais. Oui. Parce que c'est ça, c'était notre rendez-vous, moi, le vendredi soir. Coudon, je me surprenais moi-même à m'installer devant la télé, puis j'étais pas tout seul, là. Il y a des gens comme ça, puis en même temps, il y a toi, puis là, je pense au chef aussi. C'est quoi cet engouement-là? Vous avez créé un engouement pour la cuisine. Tu sais, les chefs, c'est populaire aussi. C'est Colombe, d'ailleurs, qui l'anime, la série. Oui, oui, oui. Il y a comme une folie. Ben, une folie, c'est tant mieux, là, mais ça s'explique comment, selon toi? Parce que vous faites de la bonne télé? Oui, non, mais non, c'est pas juste... Oui, peut-être. Mais je pense que, tu sais, un cuisinier, c'est des gens qui sont vrais, qui sont de grand cœur. Je pense qu'il y a quelque chose qui marche avec les réalisations, tu sais. Puis cuisiner, il y a quelque chose de chimique, de magique là-dedans, tu sais. Il y a quelque chose d'artistique là-dedans qui va rejoindre les gens. Puis, tu sais, quand tu parlais d'un chef à la cabane, tu sais, c'était pas juste des grandes personnes, c'était souvent des familles, des enfants qui regardaient ça, ça rejoignait tout le monde. Je pense que la cuisine a ce pouvoir-là, tu sais, le pouvoir de rassembler tout le monde, le pouvoir rassembleur. Et ça, c'est un gros plus. C'est pas concrètement, est-ce que les gens cuisinent? Alors, on n'a pas tant de temps que ça pour élaborer là-dessus, mais moi, je me demande l'effet de toutes ces émissions-là, et en particulier d'un chef à la cabane. Tu disais que les gens faisaient leur entaille sur leur catéra. Est-ce que les gens cuisinent plus? Est-ce que ça incite les gens à mieux cuisiner local, à la maison, ou ils ont plus tendance à aller au restaurant? Je pense que les gens cuisinent pas tellement plus. Je pense que pour le sirop d'érable, par exemple, quand tu fais ton propre sirop d'érable, tu regarderas, c'est une règle, c'est le sirop devient automatiquement le meilleur que tu auras jamais Ah ouais. Et ça, c'est merveilleux. Donc, tu fais ton sirop, ça devient le meilleur sirop. Et là, à partir de là, ben, tu as tendance à cuisiner avec ton sirop. Et ça, c'est quelque chose qui arrive en ce moment. Si tu fais pousser tes tomates et qui sont bonnes, même si tu es sur ton balcon, fait que là, tu te fais une petite sauce avec tes tomates, puis ils sont donc bien bonnes. C'est, même ta c'est sandwich fou. Aux tomates est bonne. C'est bien fait, la vie. Hein? C'est extraordinaire, même en ville. Oh, bon, ben, je pense que, mon Dieu, je vois mon technicien qui me dit c'est fini, Martin. C'est sniff, fini. Sniff, mais en tout cas, on va suivre, puis on va regarder du coin de l'œil qu'est-ce que tu deviens, qu'est-ce qui se passe avec tes nouveaux projets. Je pense qu'il y en aura d'autres, et puis bonne fin de saison. C'est tourné, mais en tout cas, nous, on va écouter saison 11 avec intérêt. Oui, on est bien, bien fiers de notre dernière saison. Puis merci à tout le monde qui a écouté Un chef à la cabane. Merci à vous de m'avoir invité aujourd'hui. Merci, Martin. Puis on invite les gens à être généreux. On est au Radioton du 50e anniversaire de CKRL. Bonne journée, tout le monde. À plus. Vous écoutez le Radioton de CKRL.